TVA, cadeau de faible valeur. Depuis le 1er janvier 2011, était fixée à 65 euros toutes taxes comprises, la limite à retenir pour la définition des cadeaux de faible valeur qui ne donnent pas lieu à l'imposition d'une livraison à soi-même et des biens de très faible valeur non concernés par l'exclusion du droit à déduction. Ce seuil vient de faire l'objet d'une réévaluation quinquennale et il a été rétroactivement fixé à 69 euros toutes taxes comprises à compter du 1er janvier 2016.